Bon, l'intelligence du mal, c'est quoi du mal? Du mal, c'est des obstacles à l'ego. Un ego qui n'a pas d'obstacles, il ne vit pas du mal, il vit du bien. Fait que si vous avez quelque part dans votre vie une impression que ça va mal, bien, le ça va mal est basé sur tout ce que l'ego n'est pas capable de solutionner ou tout ce que l'ego n'est pas capable de rendre fluide à sa, entre guillemets, volonté. Okay? Fait que pour que ça aille mal, faut que vous ayez un affrontement à ce que vous voulez. Mais comme le vous voulez, c'est une réflexion de l'ego, parce que ce que vous voulez, c'est les forces qu'ils veulent. En d'autres termes, c'est les forces qui vous mettent en vibration pour faire quelque chose. Si vous êtes placé à avoir l'impression qu'il y a un obstacle, c'est que vous avez de la réflexion. Fait que l'obstacle en soi, c'est une réflexion extrêmement dense qui se répercute dans l'événement. J'ai toujours dit, là, on a les événements qui conviennent à notre programmation. Votre programmation, c'est la sommation de vos peurs. La sommation de vos peurs, ça se lit dans votre réflexion. Là où vous réfléchissez, c'est là où vous avez peur. Puis votre peur, c'est elle qui entraîne un courant événementiel, magnétiquement, pour aller chercher, comment je te répercute sur l'événement, OK? Pour aller chercher un type d'événement qui va vous placer à solutionner la fameuse peur en question, c'est-à-dire vous défaire. Moi, j'appelle ça d'un manque de maturité, de l'ego, qui laisse pas faire la vie sur ce qu'elle doit faire, autant en bien qu'en mal, parce que le mal, souvent, c'est pour vous donner de la volonté, vous donner une contenance, parce que la volonté n'étant pas de vous, étant une mise en vibration, il faut que dans la mise en vibration, vous ayez de la contenance. Puis pour avoir de la contenance, faut qu'il vous descende dans le mal. Il faut qu'il vous descende dans les noyaux de la réflexion. Fait que s'il vous emmène dans des champs de réflexion qui sont inconnus à ce que l'ego est capable de solutionner, t'sais, vous allez être capable de régler des grosses affaires dans un domaine X, puis de les changer de domaine, puis vous n'êtes plus capable de le régler. Mais c'est parce que le domaine que vous avez de la facilité à régler les problèmes, c'est que vous réfléchissez plus, vous ne faites plus de réflexion. Il n'y a plus de réflexion dans le mouvement de solution. Vous savez tout de suite quoi faire. C'est des mécanismes réflexes. Vous apprenez à conduire une auto. Au début, il y a beaucoup de réflexion parce qu'on se questionne sur je prends-tu bien ma place, je vais-tu à la bonne vitesse, j'embraye-tu mes vitesses de la bonne façon, etc., etc. Et au bout d'un certain temps d'expérience, qui ne sont pas toujours positives, qui des fois sont négatives, bien, vous développez des mécanismes réflexes qui fait que devant un problème, vous êtes moins porté à paniquer, ou devant des fois des crises extrêmes extérieures à vous, vous savez comment vous en sortir parce que vous avez atteint une maturité. La maturité devant l'événement, c'est ce qui fait que vous allez dire, ça va bien. Le manque de maturité vis-à-vis de l'événement, donc un manque d'expérience de la vibration et de la mécanicité physique, matérielle, émotionnelle, vitale, peu importe la nature, le manque de ce niveau-là va vous plonger dans la réflexion, donc vous vous trempez dans le mal et vous engendrez des obstacles qui vont aller aussi mal que vous ne maturez pas. Fait qu'il n'y a pas de limite au mal. Le mal, ça peut vous entraîner vers une maladie, ça peut vous entraîner vers un accident, ça peut vous entraîner vers une faillite financière, ça peut vous entraîner dans des registres de déconfiture égoïque que la seule solution possible, c'est la réincarnation. Ça peut aller aussi loin que ça. Donc, à l'origine de tous vos mal, de tous vos obstacles, parce que si on transfère le mal dans le sens du mot obstacle à l'ego, à l'origine de ça, il y a une pensée. Si vous êtes capable d'identifier la pensée qui engendre le mal, ben là, à ce moment-là, il est déjà possible d'aller le traiter virtuellement, plutôt que d'être obligé d'attendre que l'événement se place pour être obligé de régler ça dans la forme. Plus vous êtes capable de le régler virtuellement, plus vous allez vivre une belle vie, parce que votre ego va avoir à traiter strictement avec des concepts, avec des égrégores, puis avec des perceptions qui vont s'ajuster au fur et à mesure que vous allez être capable de lire. Votre lecture de l'invisible, c'est votre protection pour votre vie matérielle, votre vie au niveau de la forme. Incapable de lire dans l'invisible, incapable de lire une vibration, là, c'est l'événement qu'il faut qu'il se place. Et vous êtes obligé d'être touché dans la finance, vous êtes obligé de toucher dans la santé, obligé de toucher, vous allez être obligé d'être touché dans l'émotif, le relationnel, l'échange. Et puis, les événements vont se succéder à la vitesse de votre réflexion. Vous paniquez, vous augmentez la vitesse de réflexion. Il y a de plus en plus d'événements catastrophiques qui vont se placer dans votre vie. OK? Puis je vous le dis, la proportion, là, elle est insondable. Là. Plus vous capotez, plus vous venez fou, plus ça panique, plus l'événement est gros. Il n'y a pas de façon d'arrêter ça, autre que d'arrêter de réfléchir. Mais arrêter de réfléchir, encore là, il faut que vous ayez le corps pour le supporter. Parce qu'on n'arrête pas une réflexion parce qu'on veut arrêter une réflexion. Ça serait trop facile. Tu vas parler avec un gars qui est stable un peu, qui a passé à travers l'expérience. Il va te calmer les nerfs, mais tu vas toujours te ramasser tout seul dans l'événement. Vous me suivez? Fait que tant aussi longtemps que vous êtes dans l'aura d'une personne qui est capable de vous enlever la réflexion en vous donnant des réponses, en vous donnant des solutions, bien là, ça va calmer votre ego, mais ça ne rend pas votre ego mature. Ce qui rend votre ego mature, donc capable de prendre l'expérience du mal, c'est son aptitude à faire face à la musique, de faire face à l'événement, et dans l'événement, de trouver le moyen de se dépolariser, c'est-à-dire de ne pas tomber dans l'extase ou de ne pas tomber dans le découragement, de ne pas tomber dans un excès de positivisme. « Waouh, waouh, waouh, je suis capable. » Ça se peut que tu ne sois pas capable. Si tu n'es pas capable, retire-toi. Si dans le « pas capable », tu continues à foncer parce que tu es rebelle, tu peux te faire arracher un bras, là, tu peux te faire arracher la tête, il y a bien des choses qui peuvent arriver. Là. Donc, c'est bien important que si devant un obstacle, vous n'avez pas de solution, que vous soyez capable de reporter ça dans le temps si c'est possible. Parce que l'ego, il peut facilement vouloir vaincre dans le virtuel, mais dans l'événement, l'ego qui veut vaincre, il est confronté à la matière, il est confronté à l'événement et à quelque chose qui va le mettre en crise d'une façon excessivement difficile. Donc, c'est très important, si vous voulez avoir une belle vie, donc le moins de mal possible, de vous exécuter ou de vous actualiser dans ce que vous êtes capable de contenir. La contenance... Je vais vous donner ma version de ce que c'est de la volonté. Là. La contenance, c'est la symbiose des forces avec l'ego. L'ego étant sujet à une expérience, donc à une programmation astrale, programmation astrologique, si vous aimez mieux, donc à l'âme, les forces, eux autres, les forces de vie, les plans, les ajusteurs de pensée, les doubles, tout ça, là, mettez ça au synonyme, les forces et l'ego, quand ils arrivent à faire une symbiose, OK, vous avez de la contenance, et ce que vous contenez, c'est ce que vous pouvez vouloir. Vous ne pouvez pas vouloir plus que ce que vous contenez. Le reste, c'est de l'intention, c'est de la conviction. Les gens spirituels, c'est des gens convaincus. Les Arabes, quand ils pensent faire la guerre avec le terroriste, c'est des gens convaincus. Ils sont convaincus que de l'autre bord, en se faisant sauter, ils vont avoir tant de vierges, tant de terrain, puis tant de ça. Pas de désert. C'est de la conviction, c'est pas de la contenance. Là. Peut-être qu'il a rendu de l'autre bord, il a dit, bon, est-ce qu'il y a le comité d'accueil? T'sais? Fait qu'il n'y a pas de contenance. Il y a du brainwash, il y a du lavage de cerveau, et puis ils n'ont pas de contenance nécessairement. Mais quand vous avez de la contenance, ça aboutit, ça, dans l'état. Ça aboutit dans de la certitude. Et de la certitude, c'est l'arme pour faire face au mal. Vous allez avoir aussi mal que vous doutez, puis vous allez vous sortir du mal aussi vivement et aussi fortement que vous vivez de la certitude. Dès que quelqu'un a été branlé dans sa certitude, le mal peut rentrer. L'événement du mal qui suit l'état d'être mal, tu sais, être mal, se sentir mal, c'est l'état qui attire l'événement. C'est ce que je dis là. Ah oui, la certitude. Avec la certitude, vous faites face à toute forme d'événement qui peut vous déraciner. C'est bon. Une personne a de la conviction indéracinable. Parce que la conviction, ça dépend d'un environnement, ça dépend d'une idée. Dans une idée, ah ben moi je pense ça, puis mon chum pense ça, puis on pense ça. Fait quand vous êtes dans le « on pense ça », vous êtes dans une idée. Puis une idée, c'est, pour moi, là, c'est mon thème, c'est blablabla. Tu parles, tu parles, tu parles, tu fais rien. Une personne qui vit de la conviction a besoin de la confrontation avec quelqu'un qui pense différemment. Il a besoin de compétitionner, il est jaloux, il a une dynamique émotionnelle instable. Tantôt c'est ça, tantôt c'est d'autres choses. Fait que c'est jamais fixe. Tandis que de la certitude, c'est un train, ça. Ça roule, il n'y a pas de rêve là-dedans. Là. Tu rêves pas quand tu es sûr. Quand tu es convaincu, tu rêves. Mais quand tu es sûr, tu n'as pas de rêve. C'est un train qui s'en va. Puis une personne qui est sûre peut arrêter un train puis repartir le train. Elle peut arrêter le train parce qu'elle est sûre. Personne convaincue, si tu arrêtes le train, vas-tu repartir? Il y a un questionnement là-dedans. Fait qu'une personne qui vit une certitude sait que c'est un mouvement, un état, un climat psychologique dans lequel il n'y a pas d'idée, là. C'est un senti. Il n'achète pas une auto parce que le vendeur, il a dit que c'était le meilleur. Il achète un auto parce qu'il y a une vibration. Il pulse vers le véhicule. Il va pulser vers une maison. T'sais. Il ne va pas dire, il y a quelqu'un qui va dire qu'on va te déménager, on va t'envoyer là. Non. Il est prêt à vivre dans le chat 3 semaines, 1 mois pour être en vibration, pour aller chercher ce qu'il a besoin. C'est très différent. Très, très, très différent. Fait que là, les gens disent, nous autres, on a vécu beaucoup de souffrances dans notre vie. Ça, c'est quand tu me dis ça, moi, là, j'entends ça au téléphone ou j'entends ça en consultation, j'ai vécu beaucoup de souffrances. Ça signifie égal, pas intelligent. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Ça n'existe pas, le hasard. Si le hasard n'existe pas, puis tu me comptes quelque chose qui t'a fait souffrir, aïe. Une certitude, c'est pas une promesse dans l'avenir. Une certitude, c'est un état que tu vis, qui te fait passer aux actes, qui ne tient pas compte du futur très, très, très, très, très, très éloigné, puis qui ne tient pas compte de ton passé là, à te morfondre au violon. T'sais. Ben, des gens qui me parlent de l'apocalypse dans les temps futurs, c'est toi, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, si tu, je ne sais pas. Ben, il dit, t'es plugué de bord en bord. J'ai dit, plugué, ils vont me plugger pour ce que j'ai à faire dans ce temps-là. Ils n'ont pas à me plugger pour que je commence à faire du Nautilus, puis de l'exercice, puis la patente pour être prête à sauter par-dessus des ruisseaux, des affaires de même. J'ai dit, aucune idée. Aucune, tu as dit. Ça peut aller bien, bien, bien mal. Puis ça peut être juste une magouille que les gens se font mentalement qui fait que rendu en 2010, l'apocalypse, ça va être de payer ton essence à 4 piastres le litre, puis d'être obligé de penser à faire du covoiturage, puis etc. J'ai dit, aucune idée, aucune. Mais, quand je me fais passer des tests sur quelque chose qui n'était pas prévu dans ma vie, là, je sais que je suis préparé, par contre. Je sais que les fosses, ils te mettent pas dans le bouillon, bêtement. Fait que dans la dynamique que je vis actuellement, les tests que je vis, je considère ça comme une préparation, un entraînement des forces militaires psychiques, si on peut appeler ça de même. Donc, je refuse pas l'entraînement. Je suis pas le gars qui va dire, ah, tu sais, si je suis confronté à des peurs d'être délogé ou quoi que ce soit du genre, je laisse les forces travailler, j'essaie de savoir où est-ce qu'ils veulent m'envoyer ou qu'est-ce qu'ils veulent me faire vivre. Puis ça, je peux pas le savoir logiquement, je peux juste le savoir par une vibration dans ce que je contiens, sur lequel j'ai une certitude. Si je suis pas capable de contenir le test qu'ils me mettent, j'ai pas de certitude, je suis testé dans ma réflexion. Là, faut que je sois stationnaire, dans le sens qu'il faut que je regarde la vibration, qu'est-ce qui me fait réfléchir, puis que je neutralise la réflexion à partir de mouvements que je vais faire qui vont me permettre de me dépolariser. Je peux pas me dépolariser à penser positif ou à penser négatif. Ça marche pas comme ça. C'est du mouvement, c'est de l'action, c'est des actes qu'il faut que tu poses pour te défaire de la réflexion. Les gens pensent qu'ils peuvent gérer leurs pensées. Vous êtes dans la merde. Si vous pensez comme ça, vous êtes vraiment dans la merde. Vous ne pouvez pas gérer rien, c'est pas vous autres qui pensent. Par contre, si vous vibrez et que vous avez un doute, la seule chose qui peut vous remettre en selle, c'est de passer aux actes. Tu sais, tu regardes ta moto pendant l'hiver, puis tu sais pas comment tu vas conduire. Tu en as une idée, mais tu n'en as pas une certitude. Quand tu as fait une ride de 200-300 kilos, tu es un petit peu plus sûr de ce que tu vas vivre. Puis quand tu vas avoir fait une saison complète, tu vas rembarquer dessus l'année d'après. Tu vas commencer à dire, j'ai besoin de pouvoir, moi, là. Tu vas trouver ça léger, tu sais, léger dans le sens large. Là. Pourquoi? Parce que tu vas gagner en contenance, donc en certitude. Mais ça, c'est du millage qui te donne ça. Là. Fais 200 kilos, puis place-les dans ton garage, puis attends l'année prochaine pour le ressortir. C'est pas parce que tu as eu un bicycle 2 ans dans le garage que tu sais conduire, tu as 2 ans d'expérience. T'sais, mais mets 15 000 kilos dans la machine cette année, là. L'année prochaine, je te dis que tu n'embarqueras pas sur un scooter, certain. Fait que tu vas avoir gagné en certitude. Mais certitude, c'est un état. C'est quelque chose que tu vibres. C'est quelque chose qu'on sent, sur lequel l'ego n'a pas d'emprise sur l'esprit. L'ego ne peut pas décider de faire quelque chose. Il peut suivre un mouvement que l'esprit fait, puis il se laisse comme enseigner, si on peut dire ça de même, mais pas dans le sens intellectuel du thème, là. Il se laisse entraîner. Il vit un entraînement, là. Il est entraîné à vibrer et à sentir des choses. C'est sûr que l'intellect embarque là-dedans, parce que quand même, il faut que tu sois capable de dialoguer avec le monde. C'est des impressions. Le monde, ils ne vivent que dans des impressions. Ils sont toujours dans l'illusion de quelque chose. C'est ça que j'appelle les spirituels puis les philosophes. C'est des idées qui mènent leur vie. C'est pas la réalité. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Eux autres, ils se tapent du mal, puis ils comprennent pas. J'ai des bonnes pensées. Ben oui, tu as des bonnes pensées. Tu es un grand garçon. Mais c'est pas avoir des bonnes pensées, là. C'est pas j'ai fait mes devoirs, j'ai pas ça. C'est qu'à chaque type d'expérience, il y a un type de contenance. Tu m'emmènes, c'est un avion, moi, là. C'est pas parce que je sais conduire un bisque à gaz à 240 000 à l'heure, 240 km/h, que je suis capable de piloter un avion. Il me faut une période d'expérimentation. Il me faut une période pour développer la contenance de ce que c'est de décoller de terre. Puis c'est sûr que si je ne suis pas peureux de nature, c'est plus rapide d'aller chercher de la certitude. Mais je vais quand même avoir à commencer à le vivre puis à passer tous les tests. Si j'ai beaucoup d'ego, je vais vouloir sauter des étapes. Puis je vais vouloir sauter des choses, je vais vouloir échapper à du mal nécessaire. Le mal d'apprendre comment étudier ou lire les vents. Comment étudier un atterrissage. Comment étudier... Il faut que tu aies une étude. L'étude, c'est une sorte de mal. C'est quelque chose qui te retient, c'est quelque chose qui te limite. Puis, c'est quelque chose qu'il faut que tu apprennes à composer avec le temps pour que le travail des forces puis de l'ego ensemble fasse une symbiose pour te donner de la certitude. Sinon, c'est de la conviction, c'est du doute, parce que là, tu taponnes dans l'information. Puis, qu'est-ce que ça peut être, pour ça, qui fait que tu fais rien? Une sorte de réflexion à parler beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont fait ce que tu veux faire absolument. C'est comme si tu t'entourais de professionnels. Là. J'en ai un, mon voisin en bas. Lui, son fun, là, c'est que quand il veut parler de quelque chose, il s'invite des pros dans un domaine. Mettons qu'il voudrait jouer de la guitare. Il va inviter deux, trois bons guitaristes chez eux. Il va lui payer des lunchs d'enfer. Puis là, il va les faire parler de guitare. Quand ils sont partis, là, oui, il va parler de guitare. Ça va être un bon parleur de guitare. Mais il sait rien de la guitare. Il sait pas jouer de la guitare. Tu sais, il met une guitare dans les mains, puis il va dire, elle est belle, elle est faite comme ça. Elle a des clés là parce que papa, puis il va tout expliquer à la guitare, mais il ne sait pas jouer la guitare. Parce qu'il a tout appris ça des pros. C'est un bon absorbant, c'est une espèce de petite librairie ambulante. Et puis, quand tu veux savoir quelque chose, style, hey, j'ai pas le temps de fouiller sur Internet, Max, qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que lui, il est sur Internet, il y a des journaux, puis il est dans les invitations avec des gens qui sont professionnels dans une ligne. Puis Max, ça te tente de faire du ski? J'ai pas bien pratiqué l'hiver passé. Ah oui, c'est vrai, tu parles, toi. Comprenez-vous? Fait que, après ça, ces gens-là, ben, tu les écoutes parler, puis si t'es assez épais, tu vas dire, ils sont sûrs. Ils sont sûrs, sûrs dans le sens sourire, hein? Fait que, il n'y a pas de certitude. Il se dégage aucune certitude. Ils vivent rien. Vous parlez peu, vous vivez beaucoup, vous allez être crédible. Vous parlez beaucoup, vous vivez rien, vous n'êtes pas crédible. Là, tu vas te dire, comment ça se fait que je sais tout ça et que le monde ne me font pas confiance? C'est parce que tu ne vis pas assez le mal. Le mal de vivre une expérience. Parce que, tu sais, pour aller faire du ski, il fait froid, des fois tu tombes, tu peux même te blesser. Puis c'est rare de voir des... Je pense à des gars comme Armstrong, là, qui a fait le Tour de France, je ne sais pas combien de fois, puis qui a gagné. C'est, écoute, il avait le cancer des chenolles, puis... Il s'est guéri, il a traversé des épreuves d'enfer. Le cancer, c'est le cancer, mais quand ça te pogne là, tu es toujours assis sur le siège à te les brasser. Il faut que tu aies de la certitude de passer à travers de ça. Hein? C'est pas évident. Fait que les gens, ils veulent que ça soit facile, que ça ne fasse jamais mal, puis c'est impossible. Tu ne peux pas être champion de n'importe quoi si tu n'as pas été souffrir quelque chose. Fait que ça revient tout le temps un petit peu à... Est-ce que je parlais à un moment donné, tu sais, d'avoir sur un voilier, avoir de la voile, puis avoir de la quille? La voile, c'est ce qui paraît, dans le sens positif du terme. Ça a un effet d'entraînement, ça a un effet de mouvement. Mais si tu n'as pas de quille, tu couches ton bateau au premier grand vent. Hein, tu sais? Fait que la quille, c'est fondamental. Puis la quille, c'est ce qui est caché et c'est ce qui est fondamental pour te tenir stable. Puis la quille, c'est une charge négative. Une charge négative, c'est le mal intégré qui te permet de faire face à n'importe quel type de crise, donc une tempête. Ton bateau peut coucher, mais à cause de la quille, il va relever. Vous avez de l'expérience, vous avez connu le mal, vous avez vécu la souffrance de quelque chose. Quand le bateau va se coucher, parce que vous allez vivre des périodes positives, quand le bateau va coucher, que vous allez avoir comme l'impression qu'il n'y a plus rien à faire, que vous avez été au bout de tout ce que votre mémoire peut vous donner comme solution. Si vous ne décrochez pas là, de vos solutions, qui ne sont plus des solutions, parce que la nature de l'expérience du mal qui vous est présentée exige que vous laissiez aller pour laisser rentrer une information qui est totalement à l'abri de votre réflexion. Dans le sens, vous ne pouvez pas penser à ça, vous ne pouvez pas réfléchir à la réponse, parce que la réponse va venir d'eux autres, que vous soyez conscient ou inconscient, ça va venir d'eux autres, anyway. Et puis, dans cette réponse-là, vous allez être obligé d'agir rapidement, c'est-à-dire sans penser. Puis que là, vous allez avoir à vivre la contenance de cet événement-là qui va être tout neuf, avec aucune expérience mémorielle et qui va exiger de votre tempérament de réellement faire confiance, entre guillemets, à la vie, alors que c'est, dans le fond, à eux autres. C'est dur, ça. C'est dur. C'est très, très, très, très difficile. C'est comme un enfant qui est obligé de se remettre entre les mains de ses parents. Vous avez 2 ans, 3 ans. Je te dis que c'est dur de partir avec ton baluchon à 2-3 ans, t'as de la misère à marcher. Tu sais que tu pourrais jamais te nourrir, puis t'es pas bien crédible pour te trouver un job. Conséquence, papa, maman, on braille. Ce qui est à votre portée, c'est de brailler pour écœurer le père ou la mère jusqu'à temps qu'il se lève pour vous donner votre biberon ou vous donner quelque chose. Hein? Fait que vous êtes limité à ce que vous contenez. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes vulnérable, vous le savez. Vous allez finir par vous demander qu'est-ce qui nous permet d'être à l'abri du mal. Et ma réponse à ce niveau-là va toujours être, il faut être absolument en dehors de la forme. On me posait une question dans une consultation. Qu'est-ce qui garantit quelque chose qui dure? Qu'est-ce qui est une construction? Qu'est-ce qui permet de dire qu'on a une permanence dans ce que l'on fait avec quelqu'un ou dans ce que l'on fait dans un travail? Et je lui ai répondu, dès que tu ne peux pas le vendre, dès que tu ne peux pas vendre quelque chose, c'est parce qu'il y a une construction. La construction, ça ne se vend pas. Il n'y a pas de forme à négocier. Donc, le mal pour vous atteindre, pour vous engendrer des obstacles, pour vous créer une condition de crainte, de peur, pour vous donner l'impression que vous pouvez perdre, il faut qu'il y ait de la forme. Il faut qu'il y ait cette sensation que quelque chose échappe à l'ego. Mais si la personne ne peut pas rejeter, si elle ne peut pas détruire, si elle est à l'abri d'une destruction, c'est parce que le matériel de construction, la relation qu'on se crée avec la personne ou avec ce que l'on vit avec les gens comme échange, c'est parce que la construction est dans des registres qui ne peuvent pas être atteints par le mal. Je vous l'ai dit, le mal, c'est tout ce qui crée de l'obstacle à l'ego. Il n'y a rien qui crée de l'obstacle à l'esprit. L'esprit, c'est hors forme. L'esprit, c'est une vibration. L'esprit, c'est ce qui motive et dynamise la forme. L'esprit laisse travailler le mal et le bien, laisse s'installer une polarité pour qu'une expérience puisse être engendrée. Mais à l'abri du bien, à l'abri du mal, l'esprit opère incessamment. Ça veut donc dire que si un individu est pris par la recherche de la vérité et du bien, ou a crainte de vivre le mal, c'est qu'elle est exposée à une expérience dans laquelle elle n'a pas nécessairement compris l'intelligence du bien et l'intelligence du mal. Et quand j'ai exprimé le mot intelligence comme sujet, donc comme thème pour ce CD, ce que je sous-entendais, c'est que le mal en soi n'a pas une intelligence, mais l'obstacle qui engendre le mal, l'obstacle qui se superpose à une sorte de volonté de l'ego ou à une contenance de l'ego, forme la volonté. Je l'ai expliqué dans le premier fichier. C'est donc dire ici que si on est en rapport avec un obstacle, pas un obstacle qu'on recherche évidemment, un obstacle qui nous est imposé, c'est pour développer de la contenance, c'est pour développer l'autorité. Mais la construction est en dehors de la forme et du résultat. La construction est dans ce que l'individu vibre, ressent et installe comme étant un élément permanent dans sa vie. C'est dire souvent qu'on peut vivre des choses extraordinaires avec des gens, on perd les personnes, on souffre énormément parce qu'on perd l'occasion de continuer à se développer avec ces gens-là, mais ce qui reste, ce qui a été construit avec la personne va demeurer éternel, parce que c'est l'œuvre de l'échange qui fait la permanence. C'est l'œuvre de l'échange qui extirpe tout phénomène de bien et de mal. On perd le bien, mais on perd aussi le mal quand on perd une personne, quand on perd l'échange. On perd le bien parce qu'on n'est plus en échange pour l'engendrer, mais on perd le mal aussi dans la crainte qu'on a de perdre la personne ou ce que l'on vit avec elle. Donc, il y a des gens dans notre vie qui nous marquent, mais leur œuvre, indépendamment de la forme, va toujours s'installer comme une permanence, une éternité. J'ai personnellement connu des gens qui m'ont marqué énormément, et même si ces gens-là sont disparus aujourd'hui, ben ils m'ont laissé un héritage. Et non pas un héritage dans la forme, mais un héritage qui est à l'abri de toute forme de mal, qui est à l'abri de toute forme d'obstacle, qui est à l'abri de toute forme de conflit. C'est ce que j'ai vécu avec eux. C'est ce que j'ai vécu avec ces personnes-là qui, à travers ma mémoire, surtout mon travail, ou à travers ce que j'ai engendré comme échange avec les gens, me permettent de constater qu'il y a eu une grande construction qui s'est faite entre moi et cette personne. Aujourd'hui, ben, on est dans une action, souvent individuellement, on a une identité qui doit se remêler à la collectivité, se renouer avec la collectivité, et on se rend compte que ce qui a été construit avec des gens qui ne sont plus là ou qui ont passé dans notre vie a une permanence, a une certaine forme d'éternité, a une certaine forme de construction. L'évolution, vous savez, c'est une multitude de petits contacts ou de grands contacts que l'on fait avec les gens qui ne nous assurent pas une construction matérielle, mais qui nous assurent dans les prises de conscience qu'on fait avec ces gens et la contenance qu'on développe, nous assurent une construction qui se fait dans notre psyché, qui se fait dans une psychologie à certains moments donnés. Et l'œuvre de cet échange, on ne la ressent pas tant et aussi longtemps qu'on n'a pas perdu, tant aussi longtemps qu'on n'a pas ressenti le vide de l'absence. Malheureusement, le mal, c'est une nécessité parce que l'ego ne comprend pas autrement que parce qu'il perd, par les éléments qui lui échappent. Regardez un homme se développer avec une femme. Il comprend la femme quand il est en situation de la perte. Il comprend la femme quand il ressent qu'elle lui échappe. Et pourtant, la femme s'est exprimée bien avant. Elle lui a fait ses demandes bien avant. Et il n'écoutait pas. N'écoute pas, ça veut dire qu'éventuellement, il nie l'existence de l'autre. Il fait souffrir, donc il impose son mal à la femme. Et la femme, éventuellement, pour se faire comprendre, est obligée d'imposer son propre mal à l'homme. Et on voit deux individus qui se développent à se faire souffrir, et souvent, seule l'absence permet de faire le bilan et de comprendre inévitablement qu'à un certain moment donné, si on ne prend pas le temps de donner une crédibilité à l'autre, donc de rendre la relation intelligente, la destruction au niveau des formes va être absolue. Et tout ce qu'il restera, ben, c'est un œuvre inachevé d'un échange qui ne veut pas se faire parce que les individus s'obstinent à demeurer dans une relation de raison, dans une relation d'autorité, une relation de domination, et que seule l'absence finit par imposer sa loi. Est-ce qu'une personne peut se libérer du mal tant et aussi souvent qu'elle sera capable de voir que elle peut appliquer une intelligence à l'échange, et que dans cet échange, il favorisera une communication? Oui. Si vous sortez de la forme, vous pouvez sortir du mal. Si vous êtes dans la forme, vous serez toujours exposé à une perte et à un contrôle par la forme de l'évolution de votre vie. Vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas vivre indéfiniment en dehors de la forme. Vous avez absolument raison. C'est pour ça que je vous dis que le mal risque d'exister encore souvent et longtemps dans votre vie, parce que, justement, on a besoin de manger, on a besoin de se vêtir quand la température est difficile, on a besoin d'un logement, on a besoin d'un endroit où on peut se régénérer. Et conséquemment, ben, ça donne bien des occasions au mal de s'exprimer, de vous faire sentir une dépendance, de vous faire sentir une vulnérabilité. Mais comme j'ai dit à des gens, que vous soyez vulnérable, c'est une chose, mais c'est très important d'être inébranlable. Vulnérable, mais inébranlable. C'est une phrase à retenir. C'est une phrase qui va réapparaître à chaque fois que vous êtes confronté à des pertes dans la forme. C'est des situations qui vont se présenter où il y a des échanges complexes et difficiles, là où des gens s'acharneront à vous engendrer des obstacles pour avoir raison sur votre vision, votre volonté, votre centre décisionnel. Et vous remarquerez que ce combat, cette lutte que vous aurez à vivre pour protéger votre forme, pour protéger votre sécurité matérielle, votre sécurité, même votre santé dans bien des cas, va toujours exiger un combat, toujours une lutte. Que même si vous appliquez beaucoup d'intelligence à faire valoir vos droits, l'intelligence ne suffira pas dans toutes les circonstances. Il faudra appliquer une force que l'on peut aller jusqu'à dire que ça soit presque violent dans des cas, parce que les idées ont leurs limites. Il y a une force qui doit être imposée pour qu'un changement puisse se faire. Il y a des gens qui s'appliquent à abuser, à se donner des droits par l'abus. Et s'ils ne sont pas arrêtés par la force, s'ils ne sont pas arrêtés par le mal, ils vont continuer indépendamment d'un dialogue intelligent, indépendamment d'une prise de conscience qu'ils pourraient faire. Ils vont sentir que s'ils ont la force pour eux, pour elles, ils vont s'appliquer à jouer avec cette force plutôt que de jouer d'intelligence. Bon, vous allez me dire, c'est pas intelligent. On n'a jamais dit que tout est intelligent. Il y a tellement de choses dans la société, il y a tellement de choses dans la nature qui ne sont pas en soi intelligentes, mais qui imposent une force, une puissance brute, plate, comme on dit, qui sert strictement à mettre en relief de la contenance, de la volonté, une domination qui vient par la nature ou une domination qui vient par l'homme. Ça va toujours exiger, peu importe d'où elle vient, cette domination, elle va toujours imposer une nouvelle ligne de pensée, une nouvelle ligne de conduite. Donc, est-ce que c'est intelligent de souffrir? Je dirais que tant qu'il y a aussi longtemps que ce n'est pas provoqué, c'est intelligent. Si vous provoquez la souffrance pour forcer un individu à se développer de la contenance, vous jouez avec une lame à deux tranchants. C'est une situation qui peut faire voir à des gens que le conflit fondamental, c'est pas le fait que l'autre se développe par la souffrance, mais c'est le fait qu'il y a dans une intention de faire souffrir une sorte de domination. Est-ce que c'est intelligent d'arrêter la souffrance de quelqu'un? Dans certains cas, oui, parce que la personne a compris, elle a fait sa prise de conscience, et il est important à ce moment-là qu'elle arrête de souffrir. Sa construction ne peut pas se faire dans de la souffrance exclusivement. On ne développe pas de la volonté à l'infini. À un moment donné, les corps d'une personne, quand je parle des corps, je parle du corps physique même, du corps émotionnel, du corps psychique, de la sensibilité, de l'être, va être fracturé et c'est irrécupérable. Donc, enlever de la souffrance, c'est intelligent en soi et ça permet à un individu quand même de prendre conscience suffisamment de sa situation de pression. Par contre, dans certains cas, soulager un autre de la souffrance, je pense à des enfants qui sont gâtés un peu et qui passent par des expériences difficiles, c'est bon que les parents les laissent un petit peu mijoter dans leur prise de conscience de l'obstacle et de l'importance d'appliquer de la volonté pour obtenir ce qu'ils ont. Quand c'est trop facile, quand c'est trop virtuel, quand c'est trop abstrait, la prise de conscience du conflit, du combat, de l'obstacle, l'individu ne développe pas vraiment de l'autorité, de la certitude. Il se fie strictement sur son intelligence pour se sortir des pétrins ou des difficultés, et éventuellement, il est mou devant des crises où il ne peut pas avoir de support de l'extérieur. Il ne faut pas oublier que chaque problème quand on arrive quand même à exiger une contenance, et que si la personne ne l'a pas, cette contenance, elle va être obligée d'aller la chercher ailleurs. Elle va être obligée d'aller chercher des individus qui vont avoir souffert d'un combat, d'une lutte, pour pouvoir donner l'occasion à l'autre personne d'être supportée dans son combat ou sa lutte. Quand vous allez chercher des financements en argent, j'entends, dans des milieux bancaires ou à travers vos amis, vous demandez à ces gens-là de vous fournir les résultats d'un combat. Ils ont travaillé pour cet argent-là. Les banques travaillent avec de l'argent de gens qui ont épargné des montants X pour bénéficier d'une sécurité ou d'une plus-value financière par les biais des intérêts. Et ça, inévitablement, c'est du combat qui a été rémunéré. Et quand vous demandez du financement, vous demandez le support d'un combat de gens, et puis qui doit vous accompagner dans votre lutte sur l'avenir ou sur le futur, pour contenir éventuellement des projets ou des idées, des choses qui sont en apparence intelligentes pour vous et qui demandent à être structurées dans la forme. Mais quand on vous finance, vous allez chercher de la volonté, vous allez chercher un combat, une lutte, une personne qui a fait face à du mal qu'il a réussi à contenir, mais à du mal quand même. Donc, c'est évident que vous-même, vous devrez, avec ces montants, être responsable d'une contenance, d'une force de travail, d'une force de participation avec certains types d'événements et certains types de personnes pour pouvoir repayer ces gens-là, pour pouvoir leur permettre de retrouver le fruit de leur combat. Donc, si vous soulagez trop rapidement des gens du mal, donc si vous surfinancez ou vous avez tendance à trop favoriser une personne à ne pas vivre de combat en lui donnant trop de crédit, exemple, bien cette personne-là, à un certain moment donné, ne sera pas capable de vivre sa propre lutte. Elle va vivre dans un climat émotionnel de support, de prise en charge, et aura toujours l'impression que dans la vie, c'est facile. Et quand elle va être obligée de s'afficher dans un combat, ben elle va être obligée de prendre conscience de l'argent, prendre conscience de l'échange, prendre conscience d'un sens des responsabilités. Mais pour ça, il faut qu'elle soit dans le bain d'une difficulté, où les gens autour d'elle, ou autour de cette personne-là, ne seront plus en mesure, n'auront plus la force de supporter, ou de donner une forme quelconque de support. Donc ici, ce que je veux mettre en relief, c'est que aller dans le sens de vouloir soulager les gens de la souffrance, du combat et de la lutte, ça peut dans certains cas les empêcher de développer à travers le mal leur volonté et leur contenance. Par contre, il y a des gens qui ont leur dose, comme on dit, ils ne sont plus capables de faire des prises de conscience, de développer une intelligence dans leur combat. Et souvent, de les aider à arrêter le combat, ça leur permet de se donner de l'intégrité, à se remettre en morceaux, parce qu'ils commencent à être sérieusement déchiquetés par la souffrance. Ils sont plus capables de livrer le combat et ils ont réellement besoin de support, parce que la tâche est trop lourde ou trop grosse pour eux. Ils ont été peut-être abandonnés ou délaissés dans un échange quelconque, et ils ont besoin de se refaire. Et à ce moment-là, ça devient intelligent d'éliminer la souffrance chez ces gens-là. Et dans le même sens, comme j'ai dit, si vous allez dans l'idée de faire souffrir quelqu'un dans le but de lui donner une leçon, il faut que vous sachiez où est-ce que vous vous en allez, parce qu'il y a beaucoup de domination à l'intérieur de cet aspect-là. Fait que dire à quelqu'un, je vais le mettre à l'entraînement, puis je vais lui faire vivre de la contenance, je vais être son entraîneur, je vais le coacher, il va en baver, mais il va trouver ça bon après. Vous entrez dans un processus d'éducation, vous prenez de la responsabilité d'une vie, ou d'une bonne partie de la vie de la personne. Vous infiltrez dans son centre décisionnel. Si la personne, elle fait des mouvements qu'elle ne contient pas, et que vous la forcez à développer une contenance qu'elle ne pourra jamais avoir, vous allez fracturer son centre décisionnel et ça risque de la marquer à vie et de penser qu'elle vit de l'impuissance à vie aussi. Il y a des gens qui ont réellement l'intention de faire le mal et en général, ce qu'ils cherchent, c'est fracturer quelqu'un, le déstabiliser, lui enlever tout point de repère pour pouvoir avoir son centre de gravité. Ça, c'est vraiment du mal pour du mal. Il y a des gens qui font du mal pour le mal. Il faut se mettre à l'abri de ces types de personnes-là. Parce que c'est des gens qui bouleversent constamment la forme, le corps physique. Je pense à du viol, exemple, ou des choses dans le genre. Ils vont agresser systématiquement la forme pour qu'éventuellement la personne n'ait plus aucun point de repère au niveau de la forme. Dans des cas extrêmes, on pourrait presque favoriser le suicide pour que la personne se libère de son agresseur ou des éléments qui sont agressants. Mais c'est sûr que je suis pas tellement porté à favoriser la mort, je suis plutôt le gars qui favorise la vie. Et dans le sens d'aller dans le sens de la vie, ben ça exige que la personne vive une colère, une grande colère. Mais il arrive des étapes dans la vie où on n'a plus la force de choquer, on n'a plus l'électricité, on n'est plus en position de choquer et on se soumet et on devient une sorte de marionnette littéralement entre les gens qui font le mal. Donc, il faut savoir exactement où la ligne de l'autorité s'en va vers le secteur de la domination. Il y a du mal dans une société qui détruit littéralement la vie. Et il faut le savoir, il faut le sentir, il faut le vibrer assez pour se mettre à l'abri de ça. Parce que il n'y a pas possibilité de garder contenance dans ces éléments-là. Là, il n'y a vraiment pas d'intelligence possible et applicable. Quand je dis qu'il n'y a pas d'intelligence possible et applicable, c'est que c'est pas possible de mettre assez d'intelligence pour neutraliser ce mal-là, à moins qu'il y ait vraiment une intervention qu'on pourrait qualifier de psychique, d'occulte, de divine, appelez ça comme vous voulez, qui puisse freiner, éliminer ce mal-là. Mais ça, c'est pas entre les mains de l'ego. C'est donc pas entre les mains d'une conscience normale, psychologique, des gens qu'on connaît ou des gens qu'on côtoie dans la vie normale. Donc, pour les personnes qui écoutent les CD, ben, c'est évident qu'il faut se mettre à l'abri de ce type de mal-là. Il y a des mal, comme exemple le froid l'hiver, moi j'appelle ça un mal naturel, ben, on comprend assez facilement que passer certains degrés en bas de zéro, exemple 45, 50 en bas de zéro, c'est pas tout le monde qui est capable de résister physiquement à ces froids-là. Il y a des gens qui sont entraînés, des Inuits ou des Esquimaux, qui sont capables de supporter ce type de froid, mais ils ont un corps particulier. Donc, ils sont capables de faire face à un mal naturel parce qu'ils ont l'intelligence organisationnelle, corporelle, psychique, etc., pour faire face à ce type de mal. Mais, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, quand il y a un mal excessif, il n'est pas possible de s'en sortir autrement qu'en ayant des interventions ou en ayant des outils ou des moyens physiques pour vraiment faire face à ça. Dans une guerre, on a du mal pur. Bombe, c'est une bombe. On ne peut pas tirer, c'est une bombe. Une bombe, ça me tombe dessus. C'est pas un corps à corps, c'est pas un contact fusil à fusil. C'est une technologie qui vous détruit littéralement parce que elle a une puissance de feu qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Vous allez mettre une autre bombe contre une autre bombe et ça finit plus, vous allez détruire la Terre. Donc, pour pouvoir s'attaquer à du mal qui est naturel ou qui est de la technologie humaine, mais au-delà de ce qu'un seul être humain peut affronter, il faut des interventions qui soient du calibre du mal. Donc, il faut une intelligence qui fasse face au mal, qui soit équivalente en intensité. Et c'est là que l'individu doit savoir juger ce qu'il est capable de contenir ou prendre. Le dernier facteur que j'aimerais aborder, c'est le fait que il y a une destinée et que généralement, ça inclut beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de phénomènes de vie qu'on vit soi-même. Dans une structure de société qui est assez équilibrée, en général, vous êtes exposé à des problèmes qui sont, de par votre destinée, à votre mesure. C'est-à-dire qu'il vous est possible, devant la nature du problème, de vraiment mettre un terme au mal en posant des actes que, éventuellement, vous savez que ça va mettre un terme. C'est comme si je vous dirais, en gros, Quand vous avez un problème, vous avez en général les ressources de par votre destinée pour le régler. Et n'oubliez jamais que la mort peut être une façon de régler le problème aussi. Dans le sens qu'il y a des gens que mourir, c'est la seule solution pour se libérer du mal. Ça devient intelligent d'abandonner la forme ultime qui est le corps pour échapper au mal. Je vous l'ai dit, le mal ne peut s'attaquer qu'à la forme. Il ne peut pas s'attaquer à l'esprit, c'est impossible, parce qu'il fait partie d'une polarisation. Donc, en général, les gens sont exposés à un mal qu'ils sont capables d'affronter. Sinon, vous mourriez constamment. Il y aurait tout le temps, je dirais, un hécatombe en quelque part. Donc, vous avez la possibilité, quand vous êtes confronté à un problème, de trouver les ressources possibles pour vous en sortir. Là, vous allez me dire comment. Écoutez, un destin, ça vous donne des capacités physiques, des capacités émotionnelles, des capacités mentales, intellectuelles, pour pouvoir brasser toutes les ressources qui sont possibles pour pouvoir vous associer, échanger avec l'environnement. J'ai souvent remarqué, dans la vie des gens que j'ai eu en consultation, que la souffrance qu'ils vivaient était occasionnée par un manque d'échange. J'ai souvent remarqué que beaucoup de gens se sont sortis d'une structure, je dirais, très déséquilibrante dans leur vie, en se plaçant en échange, en communication pour trouver des solutions, en échange pour avoir des gens qui participaient au combat, à la lutte avec eux. Je pense, par exemple, à l'affaire de l'argent. Je pense à des aides physiques de gens qui, physiquement, se sont placés au travers ou en travers du mal que l'individu souffrait pour mettre un terme au problème. Et j'ai souvent remarqué qu'il y avait dans une destinée toujours une possibilité de s'en sortir. Fait qu'une personne qui s'en sort pas, c'est parce qu'en quelque part, elle veut être seule, elle veut traiter avec le problème seule, et elle veut développer une contenance maximum en échappant au partage de la pression avec d'autres. Là, je vais expliquer un petit peu ce que je veux dire par le partage de la pression. C'est que inconsciemment, on sait que si on passe à travers une épreuve seul, on prend toute la charge, mais on bénéficie aussi de la conséquence, je dirais entre guillemets, positive de l'extraordinaire contenance ou de l'extrême maturité qui va se dégager d'avoir réussi à régler le combat. En d'autres termes, inconsciemment, on sait que à passer une épreuve, il y a un cadeau, il y a une médaille, il y a un trophée. Et ce que l'on sait intuitivement, c'est surtout que il est possible de trouver une solution à quelque chose qui nous apparaît impossible à cause des délais, à cause des moyens réduits qu'on a, à cause d'une multitude de facteurs qui ne sont pas toujours évidents. Donc, il faut bien comprendre que les gens avec qui on est sont souvent des gens qui nous exposent à une sorte de conflit interne, à se demander si c'est possible, à travers le doute, la certitude qu'on peut vivre en alternance, si c'est possible de faire face aux problèmes seuls. Ce que moi je peux vous recommander, c'est faites face à l'action ou à la décision seule, mais consultez avant des gens qui ont une certaine expérience du combat que vous allez avoir à livrer et qui pourront vous donner, de par leur propre mémoire, comment eux autres s'en ont sortis. Ça ne veut pas dire que vous allez vous en sortir de la même façon, mais vous allez peut-être sentir la force qu'ils ont été obligés de mettre là-dedans pour arriver à résoudre la problématique. Tout le monde ne vit pas la même vie. C'est sûr que au même problème, 20 personnes vont y faire face différemment parce que le problème va se présenter sous un angle différent, avec une émotivité différente, une logique différente, etc., etc. Mais il en demeure pas moins que si l'individu est capable de se mettre à prendre conscience de ce que les autres ont été capables de vivre sans nécessairement être aidé dans tout ce qu'il a à vivre. Exemple, si vous avez un divorce à vivre, vous pouvez avoir 3 ou 4 de vos amis qui l'ont déjà vécu, mais ils vont avoir chacun leur façon de le vivre avec différentes interprétations du bien ou du mal de l'expérience. Mais vous allez vous faire vous allez vous faire une idée en le vivant. Ça va être votre propre solution avec votre propre façon de faire. Mais vous allez peut-être vous rappeler que, bon, elle ou lui a agi de telle ou telle façon, ça peut vous servir. Si c'est vraiment impossible, lâchez l'orgueil. Absolument, là, à ce moment-là, il faut qu'un autre intervienne avec vous. Il faut que là où les personnes qui vous accompagnent aient un droit ou un pouvoir décisionnel pour vraiment, carrément prendre en charge l'aspect que vous n'êtes pas capable de prendre en charge vous-même seul. Et là, à ce moment-là, si c'est possible de réellement vous laisser aller dans la vibration de l'autre, ben, vous allez pouvoir régler le mal avec cette personne-là ou ces personnes-là, de telle façon à ce que l'événement ne vous bloque pas littéralement tout le chemin pour même éviter de tomber malade dans certains cas. Il n'y a pas de mal à se faire aider parce que souvent l'aide qu'une personne vous apporte, ça va vous donner une occasion de l'aider un peu plus tard. Vous savez, toute envie est comptabilisée, pas nécessairement parce qu'on veut le comptabiliser, mais ça se passe comme ça. Fait que une personne qui vous aide dans un certain registre, ça va probablement l'inviter à vous demander un service plus tard qui va être aussi vital que ça l'a été pour vous, mais d'une façon différente. Les problèmes, même s'ils ne sont pas pareils, quand on a un problème, un petit ou un gros, quand on l'a, on a bien hâte de s'en débarrasser. Et souvent, moi, en tout cas, personnellement, j'ai eu à échanger beaucoup avec les gens. Puis même si je suis très, très, très individualiste, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé dans la vie. Et j'ai été extrêmement reconnaissant de leur participation. Et ça m'a donné souvent l'occasion de redonner la monnaie de la pièce dans des situations de crise qu'ils vivaient, que pour moi, c'était banal, mais pour eux, c'était grave et important. Donc, retenez une chose, le mal n'atteint que la forme. L'esprit est à l'abri du mal. Si vous êtes capable de sortir de la forme, peu importe la dynamique dans laquelle vous êtes, vous allez vous permettre d'avoir un break, comme on dit, un arrêt de souffrir et de souffrance. La clé là-dedans.